السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في بيت من بيوته لنتحدث عن رجل عظيم، عن صحابي جليل، بل عن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والكلام عن الصحابة الكرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى وإيمان. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah azza wa jal, celui qui nous a facilité cette assise dans l'endroit qui lui est le plus aimé, la mosquée. Et cela afin de parler d'un homme qui a une grande place dans la communauté, qui a une grande place dans l'islam, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le meilleur des compagnons et même le meilleur des hommes après les prophètes et messagers. J'entends par cela Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Sans aucun doute, le siècle des compagnons est le meilleur des siècles. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: les meilleurs de ma communauté sont les gens de mon siècle, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après. Et ce qu'on appelle Al-Qurun Al-Mufaddala. Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets coraniques, nous parle de la valeur des compagnons, de leur place, et nous informe qu'il a été satisfait d'eux, et que toute personne aspirant à sa satisfaction devra suivre les pas des compagnons, qui eux-mêmes ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. الله عز وجل في القرآن لتوب خميه، c'est-à-dire parmi les croyants, min al-muhajirin, parmi les habitants de la Mecque, wal ansar, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis avec excellence. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux afin d'y demeurer éternellement. Et voici l'énorme succès. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous indique qu'il a été satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis avec excellence, sans ajouter, sans diminuer, sans altérer la voie sur laquelle ils étaient. Et c'est le refuge vers lequel on doit revenir en temps de fitane, en temps de trouble, afin d'espérer recevoir la guidée d'Allah Azza wa Jal. كما ثبت من حديث العرباض بن سارية أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'en temps de trouble, la bonne voie sera dans le fait de revenir à ce sur quoi étaient ses compagnons. Et à leur tête, les quatre califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges, ainsi que les hadiths. Et ce soir, on va parler du meilleur d'entre eux. On va parler de Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. اسمه نسبه ولقبه أولا هو عبد الله ابن أبي قحافة عثمان. Donc Abu Bakr, qui est connu sous ce nom, cette kunya, son prénom est Abdullah. Le prénom de Abu Bakr est Abdullah. Et son père se nomme Uthman. Et la kunya de son père est Abu Quhafa. Et ce dernier s'est converti après avoir atteint un âge très avancé. Le père de Abu Bakr, radiallahu anhu, s'est converti après Al-Fath, radiallahu anhuma. Wa huwa Qurashi, wa nasabuhu min azka ansab al-Arab. Wa yaltaqi fi jadd al-Khamis, ou ma fauqa dhalik, fi ibn Murrah, fi nasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, fait partie des nobles de Quraysh. Et dans sa lignée, dans ses aïeux, son cinquième grand-père, Ibn Murrah, dans cette personne, il rejoint la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont en commun des arrière-grands-parents. Donc la lignée de Abu Bakr est une des plus nobles lignées chez les Arabes. Et il rejoint donc la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Murrah ibn Ka'b. Wa kana huwa Abu Bakr radiyallahu anhu 'aliman bil ansab. Abu Bakr était un savant dans la généalogie. Wa luqiba bis Siddiq. Wa jazama ibn Jawzi wa ghayrihi anna hadha ba'da al-Isra' wal Mi'raj. Le surnom de Abu Bakr était As-Siddiq, le véridique. Et certains savants le surnomment désormais As-Siddiq ou l'Akbar, le plus grand véridique de la communauté, comme le disait Al-Allamatul Muhaddith Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala. Wa luqiba bi'atiq également. Wulida Rahimahullahu Ta'ala fi sanati thaniya min amil fil, ou ba'da al-fil, ba'da amil fil. Abu Bakr radiallahu anhu est né 2 ans et demi après l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'est l'année où est né qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son aîné de 2 ans et demi. Il est plus grand que Abu Bakr radiallahu anhu de 2 ans et demi. كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى نشأ وولد في خير بقاع الأرض في مكة المكرمة. Donc il est né dans le meilleur pays au monde. Il est né à la Mecque et a grandi à la Mecque. وكان تاجرا وشهيرا ووسع الله سبحانه وتعالى عليه في رزقه. Et c'était un grand commerçant. Allah Azza wa Jal lui a facilité une grande richesse. En ce qui concerne sa description, sifatul khilqiyya, kana madha Abu Bakr radiallahu anhu rajulan abiyada yukhalitu safar kana nahifan. Abu Bakr radiallahu anhu, comme l'a décrit Aisha radiallahu anha, était blanc de peau. Il était blanc de peau et cette blancheur était troublée par un certain jaune. Il était fin. Et dont les favoris, c'est-à-dire ses pattes, étaient peu fournies. Son nez, emblématique chez les Arabes, était fin et long, se caractérisant par une légère bosse. Son visage était creux. Et ça, c'est en général le visage de la personne qui est fine. ainsi que ses yeux, طيب, son visage était creux, ainsi que ses yeux enfoncés laissaient apparaître un fond saillant, proéminent, ses phalanges peu charnues, laissant quant à elles entrevoir ses quinze veines. طيب, ses veines, du fait qu'il était blanc, du fait qu'il était fin, lorsqu'on le regardait de face, on pouvait apercevoir quelque peu ses veines. Donc, sa silhouette, concernant sa silhouette, il était peu corpulent, il était fin, et ses jambes étaient maigres, au point où son izar, le vêtement qu'on attache en bas, tombait, et il ne cessait de le remonter. Au point où, lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ma asfalul ka'bayn fidnar », il a eu peur. Tout ce qui est en dessous des chevilles est voué au feu. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce hadith, les savants ont tiré l'interdiction de laisser descendre le vêtement en dessous des chevilles, quel qu'il soit. Abu Bakr est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah, mon vêtement ne cesse de descendre. Je le remonte, il tombe. Je le remonte, il descend. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Zakkahu wa athna alayhi wa qal, anta lesta mimman yasna'u thalik. » Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui font cela par orgueil. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges, « Wa zakka. » Mais nous, on ne peut pas dire, « Moi, je fais cela pour. » Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. « Atzakku anfusakum. » Il teignait sa barbe au henné au katam. Le henné, c'est connu, ça vire vers le rouge. Le katam, c'est plus foncé, ça vire vers le noir. Donc il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. Il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. À peu près, il y a un nez à comprendre, un peu comme le frère Sofiane, mais plus fine comme celui. Donc voici pour sa description physique. En ce qui concerne ses épouses, ses enfants, awladu wa azwaju, il a eu 8 enfants, ou il a eu 6 enfants. Tayyib, 3 garçons et 3 filles. Il s'est marié avec 2 femmes avant l'islam et 2 femmes après l'islam. Il s'est marié avec Bint Abd al-Uzza. Elle lui a donné comme enfant Abdullah et Asma. Abdullah et Asma. Asma qui est la femme de Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn Awwam, un des meilleurs compagnons, radiallahu anhum. Il s'est marié avec Umm Roman, qui est une de ses épouses les plus connues, qui lui a donné Abdurrahman et As-Siddiqa, Aisha, radiallahu anha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec Asma bint Umays, qui lui a donné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme est connue, c'est la femme qui était l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, qui lui est mort martyr après son décès. Abu Bakr radiallahu anhu l'a épousé. Et il s'est marié également avec une femme d'Ansar qui lui a donné Amada Ummu Kalthoum après son décès radiallahu anhum. Amma islamu dukhuluhu fil islam kana min as-sabiqin ممن استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr fait partie des premiers à s'être converti, au point où certains savants ont dit que c'est le premier à avoir cru en la prophétie de Muhammad صلى الله عليه وسلم. D'autres savants ont dit non. La première est une femme, c'est Khadija bint Khuwaylid رضي الله عنها. Et d'autres ont dit non, c'est celui qui était son servant. Et d'autres ont dit non, et ainsi de suite. Il y a donc, comme vous comprenez, une divergence. Et une parole que beaucoup de savants ont jugé comme étant bonne est de dire que Khadija, c'est la première à s'être convertie parmi les femmes. Et Abu Bakr, c'est le premier à s'être converti par les hommes. Parmi les hommes, pardon. Et Ali est le premier à s'être converti parmi les enfants. Et Zayd est le premier à s'être converti parmi, comment on va dire ça, le mawali, les servants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant ainsi ses éloges. Il disait: lorsque je suis venu à vous, après que beaucoup de compagnons aient cru, lorsque je suis venu à vous, vous avez dit, vous m'avez démenti. Et Abu Bakr a reconnu mes dires et a attesté de ma véracité. Donc Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas douté un jour de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Abi Darda, عند al-Bukhari. Donc il a immédiatement accepté la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a appelé à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement après avoir été comblé par Allah Azza wa Jal de par cet islam, il a pris les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que c'était son ami avant l'islam, c'était son compagnon dans l'islam, c'était son compagnon dans l'égir, al-hijra, c'était son compagnon à Médine, c'était son compagnon dans les batailles, et c'est désormais son compagnon sous terre. Radiallahu anhu. Fama faraqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman. Il ne s'est jamais séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est avec lui avant l'islam, il a été avec lui dans l'islam, il a été avec lui en voyage, il a été avec lui du voyage de Médine à de Mecca à Médine, à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, al-Hudaybi, et ainsi de suite. Il n'a cessé d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au début, lorsqu'il s'est converti, il est parti immédiatement appeler les gens à la ilaha illallah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Celui qui prend une science, qui comprend cette science, la met en pratique, il convient par la suite de transmettre cela. Il convient par la suite de transmettre cela, à ne pas comprendre que celui qui est ignorant va parler de son don, il ne connaît pas là. Taïb, en disant, fais da'wah, il n'y a que cela qui compte, et si tu fais da'wah, on va t'enseigner là. T'apprends en premier, comment est-ce que tu pourras appeler les gens, ce que toi-même tu ignores. Donc c'était un arabe, il a entendu la ilaha illallah, il a compris le sens de cette parole. La ma'bouda bi haqqin illallah. Il a su que l'ilah c'était le ma'boud. Et que la ilaha signifiait nafyu istiqaq al-ibada an kulli ma siwa Allah. Et que illallah signifiait ithbat al-uluhiyyah al-haqq lillah wahdahu la sharika la. Il a compris le sens de la ilaha illallah, que ça voulait dire renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer que le seul qui méritait entièrement d'être adoré était Allah azza wa jall. Dhalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min duni al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Donc il est parti immédiatement appeler ses proches, appeler ses amis, appeler sa famille à rentrer dans l'islam et à prononcer et proclamer la parole de l'unité, la ilaha illallah. Il était respecté dans son peuple, connu dans son peuple pour ses nobles caractères, pour sa gentillesse, sa douceur, pour sa générosité et son bon comportement. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal a guidé par sa cause les meilleurs des compagnons. Les meilleurs des compagnons parmi les 10 qui ont été promus au paradis dans le hadith ma'adha inda al-Tirmidhi wa ghayri. Il a fait da'wah Uthman ibn Affan, le troisième meilleur des hommes après les prophètes et messagers. Khalifatul Muslimin Dhunur Rayn. Il a fait da'wah Uthman et Uthman s'est converti à l'islam. C'est donc lui la cause de l'islam de Uthman. Donc, yawm al-qiyamah, Abu Bakr va avoir aussi les hasanat de qui? De Uthman. Subhanallah. Ça a été la cause de l'islam de qui? Az-Zubayr ibn Awwam, qui fait partie des 10 promus au paradis. Ça a été la cause de l'islam de qui? De Talha ibn Ubaidillah, qui fait partie des 10 promus au paradis également. De Sa'd ibn Abi Waqas, de Abdurrahman ibn Awf, et par la suite d'autres personnes, subhanallah. Imaginez qu'Yom al-Qiyam Abu Bakr arrive avec ses hasanat et c'est le meilleur de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, il aura les hasanat de toutes ces personnes qu'il a guidées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui montre le bien aura les mêmes récompenses. Celui qui montre le bien aura les mêmes récompenses. Et dans cela, il y a une leçon pour ceux qui se sont convertis à l'islam et dont la famille est restée dans la mécréance ou le polythéisme. Ils se doivent d'aller les trouver et de leur présenter l'islam et de leur transmettre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de leur exposer avec sagesse, avec science et avec douceur en demandant Allah azza wa jal de les guider. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sachez également qu'il y avait des esclaves à cette époque et que lorsqu'ils entraient dans l'islam, ils étaient torturés. Ils étaient torturés à l'image de Bilal radiallahu anhu et beaucoup d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti trouver Abu Bakr qui lui était riche. Il l'a encouragé à faire du bien pour ses frères qui étaient dans la difficulté. Abu Bakr n'a pas hésité une demi-seconde. Il est parti et a affranchi Bilal, ou plutôt a acheté sa liberté. Puis il l'a affranchi. Pourquoi ? Pour qu'il se décharge dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Il a été la cause de la libération de plusieurs esclaves au point son père, Uthman Abu Quhafa, à l'époque lui reprochait cela, de dépenser une fortune pour affranchir des gens qui à ses yeux à l'époque n'avaient pas de valeur. Mais Abu Bakr radiallahu anhu avait compris que Al-Muslim est sacré. Al-Muslim, le musulman, celui qui dit la ilaha illallah, qui adore Allah d'un culte sincère, c'est quelqu'un de sacré. Donc dès qu'il voyait la possibilité d'affranchir un esclave, il ne tardait pas à dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait facilité. Abu Bakr radiallahu anhu, awwalu du'at al-islam, c'est le premier à avoir appelé les gens à l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message en public. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en position de faiblesse à la Mecque. Donc il craignait pour Abu Bakr la nuisance de Kuffar Quraysh. Abu Bakr s'est montré très insistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors permis cela. Il fut dit que lorsqu'il les a appelés à l'islam en public, ils sont venus, ils l'ont agressé au point de le frapper au visage avec leurs sandales, au point où on ne distinguait plus son nez dans son visage. Et ils l'ont laissé par terre pour mort. Subhanallah. Pourquoi ? Parce qu'il a dit aux gens de dire « La ilaha illallah ». Cette parole, aujourd'hui on peut la prononcer sans craindre le reproche de personne. On peut faire la prière, mais à cette époque à la Mecque ça n'était pas comme ça. C'est pour cela que ces gens ont compris la valeur de l'islam et la valeur du tawhid, la valeur de la ilaha illallah. Car à cette époque, pour la ilaha illallah, tu pouvais mourir. Pour la ilaha illallah, tu pouvais mourir. Ils l'ont agressé, ils l'ont frappé au visage, au point où on ne distinguait plus son nez dans son visage. Et l'ont laissé pour mort. Puis, sa tribu, et celui qui a fait ça est Utba ibn Rabi'a et d'autres. Puis sa tribu sont venus pour le prendre. Ils l'ont ramené chez lui. Il ne s'est réveillé qu'à la fin de l'après-midi. Il ne s'est réveillé qu'en fin d'après-midi. Ils ont tous pensé qu'il allait mourir. Lorsqu'il s'est réveillé, savez-vous quelle est la première parole qu'il a prononcée ? Imaginez cette situation. Quelqu'un qui a été frappé et laissé pour mort au sol. Lorsqu'il se réveille, après s'être évanoui un long moment, on pensait qu'il allait mourir. Sa première parole, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. Tellement il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait le secourir ainsi que la religion d'Allah azza wa jal. On lui a dit il va bien. Il a dit non, je veux le voir. Yani être sûr qu'il va bien et qu'il est sain et sauf. On l'a donc porté, il ne pouvait plus marcher, et on l'a emmené, et il a pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses yeux se tranquilliser, sur sa situation. Comme je vous ai cité, au début de l'islam, on ne laissait pas pratiquer les musulmans leur religion. Ils étaient sans cesse persécutés par les notables de la Mecque et par les habitants de la Mecque. On les insultait, on les dénigrait, certains étaient assassinés car ils refusaient de sortir de l'islam. Bilal, on l'emmenait, radiallahu anhu, et on posait sur lui une pierre lourde et sur son dos le sol ardent de l'Arabie. Et on lui disait de renier l'unicité d'Allah et d'affirmer le polythéisme. Et il ne cessait de répéter « Ahadoun, Ahadoun ». Allah est une divinité unique et c'est le seul à mériter l'adoration. Ils ont torturé Yasir et son épouse Soumaïa, les parents de Ammar, radiallahu anhum, au point de les assassiner. Au point de les assassiner, personne ne pouvait rien faire pour eux. Ils étaient en situation de faiblesse. Alors, ils sont partis à Al-Habasha, là, l'endroit se situant en Éthiopie aux alentours. Et Abu Bakr radiallahu anhu fait partie de ces gens qui ont fait ce qu'on appelle la première petite hijra. Et en chemin, après avoir parcouru quelques jours, de nombreux kilomètres, il a rencontré Al-Rimad ibn Darinna, qui était un noble, ou bien qui était Naam, une grande personnalité dans son peuple. C'était un chef dans son peuple. Et comme je vous ai cité, Abu Bakr était connu pour le bien respecté. Lorsqu'il a vu Abu Bakr dans cet endroit, il lui a dit « Où est-ce que tu vas ?» Il lui a répondu « Akhrajani qawmi fa ana urid an asiha fi ardillah li a'buda rabbi subhanallah. » il lui a répondu lorsqu'il lui a dit « Que fais-tu ici ?» Il lui a dit « Je suis sorti de la Mecque car mon peuple m'a banni, car mon peuple m'a empêché d'adorer mon Seigneur. » Alors je suis sorti sur la terre d'Allah afin de pouvoir l'adorer uniquement. Alors cet homme s'est étonné. Il lui a dit, il lui a dit, quelqu'un comme toi, on ne peut pas le virer, il ne convient pas à ce qu'il sorte. Il lui a dit, est-ce que tu veux être sous ma protection? Car c'était un chef de tribu. Et chez les Arabes, lorsque tu venais avec une personne et tu disais, un tel est sous mon toit, personne n'a tenté à son honneur ni à sa vie. Abu Bakr a accepté cela. Et cet homme a conditionné une chose. C'est qu'il adore Allah mais que dans la maison. Et qu'il récite mais que dans la maison. Abu Bakr a accepté cela. Après un certain temps, Abu Bakr a commencé à réciter le Coran à voix haute. À vouloir adorer son Seigneur en public. Les gens de Quraysh sont partis se plaindre à ce chef de tribu et lui ont dit, dis à Abu Bakr d'arrêter de faire cela car ça trouble nos épouses et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils appellent ce trouble? Ça guide leurs enfants et leurs épouses vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Ça guide les gens à l'islam. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Comme on peut entendre de nos jours, wala hawla wala quwwata illa billah, alors que l'islam représente tout le bien et que le bien, si seulement ils savaient. Alors cet homme est venu voir Abu Bakr et il lui a dit, Abu Bakr, on s'était mis d'accord sur le fait que tu adores ton Seigneur que dans la maison. Et il lui a dit, et je reçois des nuisances par ta cause, donc soit tu t'en tiens à ce qui était convenu, soit tu me rends cette sécurité que je t'avais accordée. Abu Bakr radiallahu anhu, après avoir écouté ses paroles, lui a répondu. أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. Il lui a dit, je te rends cela et je choisis à la place et je suis satisfait d'être plus proche d'Allah. Allez, j'étais proche de toi, tu veux que je te rende cela, je te le rends, mais je vais vers Allah Azza wa Jal. رضي الله عنه جعل نفسه في خدمة الإسلام. من أول يوم إلى أن دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصره بماله وأهله، وكان أشجع الناس رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري قصة تبين لنا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، أي جانب الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بمنكبيه ودافع عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était entendu prier proche de la Kaaba. Un homme qui se nomme Uqba ibn Abi Mu'ayt est arrivé et a détesté voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'unifier son seigneur proche de la Kaaba. Il est arrivé, a pris son vêtement et a étranglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se tenir debout devant son seigneur. Subhanallah. Et toi aujourd'hui, cher frère, tu peux venir à la mosquée, te prosterner pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, sans crainte pour ta santé, sans crainte pour ta vie, pour tes biens et ta famille. Et on trouve que beaucoup de parmi nous tardent à venir à la mosquée, tardent à répondre à l'appel du Mouazzin. Et ceux qui viennent arrivent par moments en retard. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier pour Allah Azza wa Jal, regardez les nuisances qu'il a subies pour que cette prière nous parvienne au jour d'aujourd'hui. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr est arrivé, s'est empressé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a défendu et s'est exclamé en disant: est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah? Est-ce que vous allez tuer un homme car il dit que le seul Seigneur c'est Allah, donc le seul à mériter l'adoration? Subhanallah. La même parole que Mu'minu à Ali Fir'aoum: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. Si ce n'est que Mu'minu Ali Fir'aoum cachait sa foi et que Abu Bakr a proclamé sa foi au grand jour, il est donc mieux que Mu'minu Ali Fir'aoum. Il est même mieux que l'ensemble des compagnons de l'ensemble des prophètes radiyallahu anhum wa alayhim afdalus salati والسلام. أبو بكر رضي الله عنه صاحب الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر voulait faire l'égir, mais le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: patiente un peu, j'espère qu'Allah me permette de partir à Mekka. Même la hijra, le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas fait de lui-même. C'était un serviteur d'Allah. Il ne faisait que ce qu'Allah lui ordonnait. Un jour, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé cela, il est parti trouver Abu Bakr chez lui. Il lui a dit: Akhrij man indak, fais sortir ceux qui sont chez toi. Car il voulait lui dire une chose très importante. Il lui a dit: il n'y a personne si ce n'est ta famille. Il lui a dit: Udhina li bil hijra, on m'a donné la permission de faire l'hijra. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit: j'ai préparé deux montures, ya Rasulallah. Rasulallah lui a dit: je te l'achète. Je te l'achète. Puis Abu Bakr a sorti de son argent et de ses biens pour préparer la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a pris un guide pour leur montrer le chemin. Et parmi les choses étonnantes qui se sont passées durant la hijra, c'est le témoignage de l'amour qu'avait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son souci qu'il avait pour l'islam et pour que cet islam vous parvienne au jour d'aujourd'hui de manière pure, sans ajout et sans diminution, sans altération, mais comme il a été révélé par Allah Azza wa Jal. Abu Bakr radiallahu anhu fi athna il hijra kana yamshi bayna yaday ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tara wa yamshi wara'ahu taratan ukhra fa استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لماذا يصنع ذلك. فأجاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجواب عظيم فقال له يا رسول الله معنى كلامه إذا تذكرت رصد إذا تذكرت الطلب كنت وراءك وإذا تذكرت أذية الطريق كنت أمامك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن حصل شيء إن أصبنا بشيء أتريد أن يقع عليك أنت قال نعم يا رسول الله إن أمت أمت بمفردي وإن تمت أنت فأنت معك الرسالة لا إله إلا الله أبو بكر رضي الله عنه durant le voyage de مكة à Médine l'hégir الهجرة النبوية marchait avec le prophète صلى الله عليه وسلم par moment il marchait derrière lui imaginez-vous en train de marcher avec quelqu'un en voyage et vous le voyez aller derrière vous il était derrière le prophète صلى الله عليه وسلم ensuite il faisait le tour et venait devant lui il revenait derrière lui il revenait devant lui le prophète صلى الله عليه وسلم s'est étonné et lui a dit Abu Bakr ma hada pourquoi est-ce que tu fais cela il lui a dit ya Rasul Allah ô messager d'Allah lorsque je me rappelle l'ennemi à nos trousses je me mets derrière toi et lorsque je me rappelle la dangerosité du chemin je me mets devant toi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais s'il se passe quelque chose est-ce que tu veux que ça te touche toi le prophète Abu Bakr lui a dit bien sûr au messager d'Allah car si je meurs moi je mourrai tout seul mais toi tu portes le message d'Allah toi tu portes l'islam subhanallah هذا أبو بكر ضحى بنفسه. Il s'est sacrifié pour que cet islam nous parvienne. Il a un fadl sur chacun d'entre nous qui sommes assis à la mosquée. رضي الله عنه. فحق له أن نجلس في محاضرة بهذا العنوان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Celui qui a été la cause que cet islam nous parvienne ainsi a comme droit sur nous. Que cette mudhadara, cette conférence est pour titre, Abu Bakr, radiallahu anhu, et c'est peu comparé à ce qu'il a fait pour nous. Ensuite, ils sont arrivés dans la grotte, Al-Ghar, et y ont demeuré 3 jours. Abu Bakr, radiallahu anhu, faisait attention au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant tout le chemin. Et il craignait pour la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ennemi a pu les rejoindre en suivant leurs traces, eux étaient dans cette grotte qui était souterraine. Alors Abu Bakr a regardé en haut et a vu les pieds des gens qui étaient à leur recherche. Il a donc dit à la Rasulallah, « لو نظر أحدهم تحت أقدامهم لأبصرنا » Abu Bakr a dit « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قمة في التوكل على الله قمة في التحقيق التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أجيب بروفيس صلى الله عليه وسلم ومساج الله سنان نتخوغ على سبيل il nous trouvera il nous apercevra Il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec la plus grande quiétude. Avec la plus grande confiance placée en son Seigneur Allah Azza wa Jal. Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le troisième? Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le troisième? فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُرْآنًا يُتْلَى وَخَلَّذَ هَذَا الذِّكْرِ Allah Azza wa Jal a révélé des versets pour que cette histoire nous parvienne et a parlé de cette histoire et on a fait du Coran qu'on récite dans les mosquées et qu'on lit dans les maisons et qu'on étudie dans les assises de science. Anzal Allah subhanahu wa ta'ala illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما من أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه من أبو بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أثبت الله تبارك وتعالى المعية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق أبي بكر رضي الله عنه. Allah a révélé, selon nos sens rapprochés, et si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsqu'ils ont mécru, lorsque ceux qui ont mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Ne sois pas triste, la tahzan. ولاحظ أنه لم يقل له لا تخاف بل قال له لا تحزن يقول العلامة الشيخ عطية محمد سالم وهو عالم كبير من أهل مصر كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر تلميذ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى le grand savant محمد عطية سالم دي. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa le prophète sallam n'a pas dit à Abu Bakr, la takhaf, n'aie pas peur. Mais il lui a dit, la tahzan, ne sois pas triste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit, la takhaf, n'aie pas peur, mais il lui a dit, la tahzan? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait tellement bien Abu Bakr, qu'il a vu en Abu Bakr, qu'il n'avait pas peur pour lui. Pour lui-même, mais il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il m'a dit, ne sois pas triste, c'est-à-dire de ma personne. Ne sois pas triste, ne t'inquiète pas pour moi. Inna Allah ma'ana. Deuxièmement, al-ma'iyya. Allah azza wa jal ma'ana. Al-ma'iyyatullah ala qismayn. Le sens de Allah est avec nous, il y a deux sens dans cela. Allah ma'aru, yani, na'alam. ونؤمن بأن الله عز وجل عال فوق مخلوقاته على العرش استوى كما جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن الله عز وجل au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, élevé en dehors de la création سبحانه وتعالى comme a dit l'imam Malik et avant cela bien sûr le prophète sallam Allah dans le Coran nous a cité plein de versets amintum man fis sama ilayhi yas'adul kalimu tayyib wa amun salih yarfa'uh. طيب. Et l'imam Malik également nous dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-iman bi wajib wa su'al 'anhu bid'ah. طيب. Allah Azza wa Jal est avec nous de par sa science, de par sa connaissance, sa vue, son ouïe, il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Ça c'est le ma'iyatul amma, le fait qu'Allah soit avec nous de manière générale. Mais il y a une ma'iyah qui est le ma'iyatul khassa, bihifdhihi wa ta'yidihi wa nusratihi wa hubbihi tabaraka wa ta'ala. Allah est avec nous, le ma'iyatul khassa, avec nous de manière particulière, c'est-à-dire qu'en plus de te voir, t'entendre, savoir tes états, il t'aime, te secourt, te défend, te protège de tes ennemis, te donne la victoire sur eux. Ben il a affirmé cela pour le prophète sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Cheikh Atiyah nous dit encore, si on médite sur les histoires des autres prophètes, on ne trouve pas la ma'iyah qui a été affirmée dans une histoire avec un prophète, sauf celle de Abu Bakr radiallahu anhu. Ensuite, il nous cite par exemple l'histoire de Moussa. Lorsque Moussa est parti de nuit avec son peuple, se dirigeant vers la mer. Ensuite, que Pharaon est venu avec son armée et ont rattrapé Moussa et ses compagnons. Qu'ont dit les compagnons de Moussa ? Inna mudrakun. On est cerné. Qu'a répondu Moussa alayhi salam ? Qala kalla. Inna ma'ya rabbi. Il a dit, nous ne sommes pas cernés. Il a dit, mais non, il est avec moi, mon Seigneur. Est-ce qu'il a dit, ma'ana, ou bien a-t-il dit, ma'i? Hajibou, ma'i. Il a dit, avec moi. Alors que le prophète sallam a dit, ma'ana. Subhanallah. Ma'ana, ça prouve qu'Abu Bakr radiallahu anhu est meilleur que les autres compagnons. Aussi, Car le peuple de Moussa n'a pas eu le thabat de Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas douté une seconde. Puis Allah Azza wa Jalla leur a facilité leur arrivée sain et sauf à Médine. Au point Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu nous dit: nous n'avons jamais vu les habitants de Médine se réjouir et être aussi heureux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine avec Abu Bakr radiallahu anhu. Au point ils nous disent que Al-Médina s'est illuminée pour sa venue et a été plongée dans le nom et a été assombrie le jour de sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les batailles, par exemple à la bataille de Badr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini d'arranger les rangs, a fini tous les préparatifs pour le combat, il s'est mis à invoquer Allah Azza wa Jal. Et cela longuement. Da'a Rabba wa tadarra'a ilayhi wa talaba minhu al-nasr wa al-tamkin wa al-ta'yid wa al-himn wa al-nusra wa hakadha. Le prophète sallam ne cessait d'invoquer Allah, il levait ses mains haut de la sorte. Il invoquait Allah, il s'humiliait devant lui, il lui demandait le secours, il lui demandait l'aide. Abu Bakr radiallahu anhu lamma ra'a hadha ashfaqa alayh. Abu Bakr a été touché de cette image et de voir son bien-aimé se soucier de sa communauté ainsi. Alors au point où le prophète a fait tomber son rida, le vêtement qu'on met sur les épaules, il est tombé par terre. Abu Bakr est venu, il a ramassé le vêtement, l'a remis sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: cela suffit au messager d'Allah, cela suffit au messager d'Allah. كفاك مناشدتك لربك فإنه سيعطيك ما وعدك. Il lui a dit: cela suffit au messager d'Allah, tu as invoqué Allah et il va te donner ce qu'il t'a promis. Et il en fut ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait les avis de Abu Bakr sur les autres avis à Sulh al-Hudaybiyah, au pacte de non-agression qu'il y a eu avec les habitants de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec eux sur certains points et a fait des concessions sur des grands points. Omar radiallahu anhu جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا عمر قال فلماذا نرضى الدنيا في ديننا كيف نتنازل هكذا في ديننا ونحن على الحق والله معنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله والله ناصري ولست أعصي. طيب حفظتم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى يا عمر قال فلماذا نرضى فلماذا نرضى الدنيا في ديننا كيف نتنازل هكذا. فأجاب أبو بكر وكان في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر هو رسول الله والله ناصره ولا يعصره. نفس الجواب بالحرف. سبحان أبو بكر رضي الله عمر يبارك في النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومسجد الله. Ne sommes-nous pas nous sur la vérité et eux dans le faux? Le prophète sallam a dit certes, oh Omar. Alors il lui a dit: pourquoi est-ce qu'on se rabaisse dans notre religion? Omar kana rayuran ala dinillah azza wa jal. Kana rajulan qawiyan. Tayyib, c'était quelqu'un de fort. Il n'a pas supporté de voir certaines concessions. Le prophète sallam lui a répondu: oh Omar, je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça vient de la révélation. C'est Allah qui m'a dit de faire cela. Il me secourera et je ne lui désobéis pas. Omar est parti. Il est parti trouver à la suite Abu Bakr. Et lui a dit: oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas nous sur la vérité et sur le faux? Abu Bakr a dit: bien sûr. Ensuite, il lui a dit: pourquoi alors on se rabaisse dans notre religion? Abu Bakr a répondu: oh Omar, c'est le messager d'Allah Allah le secourera et ne lui désobéit pas. La même réponse exactement que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ya subhanallah. Ça nous montre qu'il est vraiment resté beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'aimait énormément et qu'il attirait de lui son comportement, sa science et ainsi de suite. Mawqifun akhar fi ghazwati Uhud. À la fin de la bataille de Uhud. Donc il y a eu des pertes des deux côtés. Et une personne parmi le peuple de Quraysh, qui par la suite s'est converti, a dit: où sont ces gens-là? Où est Omar? Il est certainement mort. Omar a voulu immédiatement le se lever. Hassan lui a dit non. Où est Abu Bakr? Il est certainement mort. Et le prophète sallam leur avait donné l'ordre de ne pas se montrer. Où est Mohammed? Il est certainement mort. À ce moment-là, Omar n'a pas pu patienter. Il s'est levé et il lui a dit: tu te trompes, ceux que tu viens de citer sont tous vivants. Alors ils ont dit: lana al-uzza wa la-uzza lakum. Il y a avec nous la divinité de la puissance et vous n'avez pas cela. Alors le prophète sallam leur a dit: n'allez-vous pas lui répondre? Alors ils ont dit: qu'est-ce qu'on lui répond, ya Rasoul? Il a dit: qulu lahu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre secoureur et vous n'avez pas de secours. Allah est proche de nous et vous n'avez pas Allah avec vous. Abu Bakr radiallahu anhu, tout comme il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca pendant la Hijra, il l'a également secouru à Médine. Et tout cela nous montre quoi? Tout cela nous montre les mérites de Abu Bakr. Parmi ses mérites, c'est le premier homme à se convertir à l'islam. C'est le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été cité dans sa biographie qu'il n'a pas été rapporté de lui qu'il s'est prosterné devant une idole. Parmi les rares compagnons où on n'a pas eu de texte signalant qu'ils se sont prosternés devant autre qu'Allah Azza wa Jalla, sachant qu'ils étaient dans un peuple du paganisme où ils adoraient une multitude de divinités. Il y avait plus de 300 idoles autour de la Kaaba. On peut citer min fadaili parmi ses mérites que c'était la personne la plus généreuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma naf'ani malun qat mithla ma naf'ani malu Abi Bakr. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucune richesse qui m'a été plus profitable que la richesse de Abu Bakr. Kabaka Abu Bakr. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: hal ana wa mali illa laka ya Rasul Allah. Subhanallah. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: ya Rasul Allah, moi et mon argent nous sommes à toi, au messager d'Allah. Mon argent t'appartient, au messager d'Allah. Rapporté par l'imam Abu Dawud et l'imam Al-Albani, le hadith est authentique, rahimahumullah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit: hatha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqa. Fawafaqa thalika malun indi. Fakultu al-yawma la asbiqanna Abu Bakr. In sabaqtu. Fadhabtu wa akhadtu nisfa mali. فرجعت ووضعت هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله يا عمر أحسن. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة ما وضع بين يدي قال له ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني هذا ماله كله. سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons à dépenser de leur argent. Alors, le Omar a dit, si cela tombait à un moment où j'avais une richesse, alors je me suis dit, aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Car il y avait une grande concurrence entre Abu Bakr et Omar. C'est la concurrence qui est bonne et aimée dans l'islam. C'est-à-dire le khayrat, la concurrence dans les hasanat, la concurrence dans le hifz al-Qur'an. Tu as un ami et tu apprends avec lui le Qur'an. Tu as un ami et tu apprends avec lui l'arba'in nawawiyya, amnatul ahkam, riyad salihin, et ainsi de suite. Tu as un ami, tu le concurrences dans la ibad. Tu t'entraides avec lui. Ça, c'est une noble concurrence dans l'islam. Et Abu Bakr et Omar étaient ainsi. Et Omar n'arrivait jamais à dépasser Abu Bakr. Et ce jour-là, il a dit, c'est l'occasion de dépasser Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'est tombé à un moment, il avait reçu de l'argent. Il est rentré chez lui et a divisé tous ses biens en deux. Et a ramené la moitié de ses richesses. Il a posé tout ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Oh Omar, qu'as-tu donc laissé à ta famille ?» Il lui a dit, « J'ai laissé la même chose. » C'est-à-dire, combien? La moitié. Ça? Taïb. Abu Bakr radiallahu anhu ensuite est arrivé avec beaucoup de richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ?» Il a répondu une parole. Si on ne l'avait pas trouvé dans un hadith authentique, on n'aurait pas pu la deviner. Il a répondu, « Je leur ai laissé Allah et son message. » C'est-à-dire, « Voici toutes mes richesses. » Subhanallah. Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dit, à la suite de ce hadith, وهذا لقوة يقينه وكمال إيمانه. Il dit, et cela de par la perfection de sa certitude et la force, ou bien de par la force de sa certitude et la perfection de sa foi. من فضائل أو مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. Parmi les mérites d'Abu Bakr, c'est que c'était l'homme le plus aimé de la meilleure créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr, ou bien Amr ibn al-As, radiallahu anhu, son père, dit, Sa'altu al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ayyun nasi ahabbu ilay. Ils aimaient tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu aimes fort quelqu'un, tu aimes être son préféré à ses yeux. Alors les compagnons venaient et disaient, ya Rasulallah, c'est qui t'aime le plus? Et beaucoup espéraient être le plus aimé. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement juste et tellement sage qu'il se comportait avec chacun de la meilleure façon, au point où certains pouvaient penser que c'était eux les plus aimés. Taïeb. Amr ibn al-As a demandé donc au message d'Allah, c'est qui que t'aimes le plus? Taïeb. Comme les enfants avec leur père ou avec leur mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Aïcha. Allahu Akbar. Il a répondu à Aïcha, son épouse. Il a dit une femme. Comme ça, yani, il ne va pas blesser un compagnon parmi les hommes. Et ils lui ont dit non. Minar rijal ya Rasulallah, parmi les hommes. Qala Abuha, son père. C'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. Et regardez, il n'a pas dit Abu Bakr, il a dit Abuha. Comme ça, ça va être doux pour celui qui pose la question. Allez, on peut se dire, pas comme c'est son père, yani, tayyib, ahabbu nas ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, minar rijal, Abu Bakr, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime que ce que Allah azza wa jal a aimé, et s'il l'a préféré, c'est de par ses nombreuses qualités. Radiallahu anhu, anis sahabati ajma'in. Ibn Abbas, radiallahu anhu, yadhkuruna, أو يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دونك ابن عباس في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه il a parlé et a dit je n'ai pris personne en ami intime الخلة اعلى درجة الحب ما اتخذت احدا منكم خليلا فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je vous informe que je n'ai pris personne en ami intime. On va traduire comme c'est traduit dans les, il y a rien en français, mais Al-Khulla en fait c'est quoi? C'est le niveau le plus haut de l'amour. Je n'ai rempli de cet amour mon cœur pour personne, si ce n'est Allah. Et certes, Allah m'a pris en Khalil, en ami intime, tout comme salam, il a pris Ibrahim alayhi salam en amiantine. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Subhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si j'en avais choisi un en tant que khalil, ça aurait été qui à votre avis? Abu Bakr radiallahu anhu. من أكبر فضائله ومناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أكثر من مرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Abu Bakr de son vivant plus d'une fois qu'il faisait partie des habitants du paradis. Abu Bakr marchait sur la terre et avait déjà sa place au paradis. Et il savait cela. Mais les gens pieux ont pour particularité d'oublier leurs bonnes actions et de mettre entre leurs yeux leur manquement. Et comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, جمعوا بين إحسان العمل والخوف أن لا يتقبل الله منه ونحن جمعنا بين خصلتين أو شيئين ما هما الإساءة في العمل والأمن من مكر الله ولا قوة إلا بالله. أبو بكر رضي الله عنه ستمليست car cette maza se mérite. Car les pieux prédécesseurs, comme l'a dit un des anciens, avaient pour particularité de faire le bien. De faire le bien avec excellence. Et d'avoir peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Subhanallah. Il dit ensuite, et nous sommes plus à même de prononcer cette parole, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. Et nous avons uni entre deux autres choses. Les manquements dans la mise en pratique et le fait de se sentir en sécurité de la colère d'Allah. Abu Bakr radiallahu anhu un jour est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِ مِنْ حَيْثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ إِسْتَأْذَنَ دُخُلْ عِنْدَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam وَكَانَ الْبَوَّابُ يَوْمَئِذٍ أبو موسى الأشعر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر قرع الباب فتح له الباب ماذا أبو موسى فاستأذن الدخول فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبو بكر يستأذن في الدخول عندك فقال إذن له وبشره بالجنة. Abu Bakr est venu frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le portier ce jour-là était Abu Musa, radiallahu anhu. Il se concurrençait pour être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et compagnons. Il est venu à dire, il y a Abu Bakr qui demande la permission d'entrer. Puis-je lui accorder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, oui, accorde-lui la permission d'entrer et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle du paradis. Il lui a ouvert la porte, lui a dit, le prophète sallam te permet d'entrer et t'annonce la bonne nouvelle du paradis. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit la même chose. Ensuite il y a eu Omar, il lui a dit Uthman, il lui a dit la même chose. À la balwa tusib. Tayyib. Un jour ils étaient ensemble sur la montagne Uhud, sur le mont Uhud. La montagne s'est mise à boucher. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uskun ya Uhud. Tranquillise-toi au Uhud. Ma alayk illa nabi صديق وشاهد ماذا نبي صديق وشاهد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur le mont Uhud, une montagne qui est connue pour ceux qui ont fait la Amra. Tayyib est connue de par la bataille de Uhud, une chaîne de montagne qui fait des kilomètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur cette montagne qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحب تحب يحبنا ونحب سبحان الله حتى الجمادات حتى الجبل يحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم était donc sur cette montagne avec Abu Bakr, avec Omar et Uthman. Depuis le début de la conférence, combien de fois on a dit le prophète صلى الله عليه وسلم Abu Bakr, le prophète صلى الله عليه وسلم Abu Bakr, il était toujours avec lui. Ça c'est une manakhib. Toujours on entendait Abu Bakr, yani, Quand j'étais avec Abu Bakr, quand je suis parti là-bas avec Abu Bakr, quand il s'est passé cela et Abu Bakr, tout le temps Abu Bakr, Abu Bakr, Abu Bakr. Radiallahu anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc était sur cette montagne, la montagne s'est mise à bouger. Il lui a dit, tranquillise-toi, ô Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, c'est-à-dire lui-même, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, et deux martyrs, c'est-à-dire, qui? Omar et Uthman, les deux sont morts martyrs. Omar, radiallahu anhu, s'est fait assassiner par qui? Abu Lu'lwa, Al-Majusi. Voyez, et Uthman également, radiallahu anhuma, yani s'est fait assassiner, Allah al-Musta'an. Parmi les grands moments, et il ne nous reste que deux minutes, donc on va essayer d'être prompt dans cela. Il y a le moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé malade, yani, au point de ne plus pouvoir se rendre au masjid environ un yani, jeudi dans la semaine. Il a dit Mouru Abu Bakr falyusalli binnas. Il a choisi Abu Bakr pour présider et faire l'imam. Personne n'a fait l'imam du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en son lieu, dans son lieu, sauf Abu Bakr radiallahu anhu. Aïcha a dit, ya Rasulallah, Abu Bakr est quelqu'un qui est très sensible. Lorsqu'il récite le Coran, de par ses pleurs, on n'entend même pas sa récitation. Ça encore, ça fait partie de ses qualités. Il avait un qalb raqiq. Il faisait qiyam al-layl souvent et récitait le Coran, il faisait que de pleurer. Le prophète sallam a refusé et a dit ordonner à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha a repris et en disant au messager d'Allah, dis à Omar de présider la prière. Ordonner à Abu Bakr. Et ça a continué comme ça. À la fin, il a dit, vous êtes à l'image de celles qui ont été prises de Youssouf. Aïcha radiallahu anha, de par sa grande intelligence, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit une chose et il y avait une autre chose en dessous. C'était quoi? Elle ne voulait pas que le premier à présider la prière avant la mort du prophète soit son père. Par amour pour son père, elle n'a pas voulu que ce soit son père qui prie. Et que les gens par la suite disent, yani, c'est une mauvaise augure ou quelque chose comme ça. Donc il a refusé, le prophète n'a pas voulu quelqu'un en imam en dehors d'Abu Bakr pour les croyants. Et une femme est venue voir le prophète sallam pour lui poser une question. Il lui a dit, reviens me voir. Elle lui a dit, si je ne te retrouve pas, il lui a dit, iti Abu Bakr. J'irai voir Abu Bakr. Dans cela, les savants ont dit qu'il y avait un signe que le prochain calife allait, le calife allait être qui? Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallam est tombé très malade. Et ça s'est empiré de jour en jour. Au point qu'il ne pouvait plus sortir pour aller au masjid. Jusqu'au jour du lundi, où il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est, sans divergence, akbaru al-musib, al-masan. C'est le plus grand malheur qui a touché cette communauté. Plus que cela même, les mondes et l'univers. La mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque cette information est sortie à la mosquée, a été su à la mosquée, les gens sont tombés en sanglots. Il y a eu un grand trouble et des voix se sont élevées au point où Omar radiallahu anhu, celui qui pourtant était fort et avait une grande patience, une grande endurance, a menacé toute personne qui dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé de lui trancher la tête. Il a sorti son épée et a dit, ma mata Rasulullah. Mais il lui arrive comme est arrivé à Moussa, il est parti vers son Seigneur, et il va revenir, et il va combattre les hypocrites. Wallahi, si j'entends quelqu'un dire que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je le toucherai de mon épée. Abu Bakr radiallahu anhu est venu, et a montré que c'était l'imam des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était l'homme le plus ferme. Il est rentré chez Aïcha, n'a pas dit un mot. Pour vérifier cette information. Et il l'a trouvé allongé, caché d'un tissu. Il a découvert son visage. Il a dit, ma atyabaka, ya Rasulallah, hayyan wa mayyita. La ilaha illallah. Comme tu es bon au messager d'Allah, vivant et mort. Ensuite, il a remis cela. le vêtement. Il est sorti au masjid et a fait se taire les gens. Et Omar radiallahu anhu ne voulait pas se taire. Et il lui a dit, Oskouta yu al-rajm. Abu Bakr lui a dit, tais-toi. Et Omar a continué et ne pouvait pas se taire. Et c'est une épreuve. C'est la plus lourde épreuve qu'un homme puisse vivre. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu s'est tenu debout devant les gens. Et a fait une khutbah qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité. Il a loué Allah Azza wa Jal, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a dit, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ô vous les gens, que celui qui adorait Muhammad, qu'il sache qu'il est mort. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Mais celui qui adorait Allah, qu'il sache que certes Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Et ensuite il a récité le verset. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Afa imma taw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allah ash-shakirin. Le verset 144 de sourate Ali Imran. Et que celui, Naam, et Muhammad n'était autre si ce n'est qu'un messager comme ceux qui sont passés avant lui. Parmi les messagers. Est-ce que s'il meurt ou se fait assassiner, vous allez revenir sur vos pas? Et celui qui revient sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Et Allah rétribuera les patients. Ou les reconnaissants, ceux qui se montrent reconnaissants. Omar radiallahu anhu dit, quand j'ai entendu ce verset, c'est comme si je l'avais jamais entendu. Et lors de l'épreuve, tu peux oublier plein de choses, même du Coran. Il dit, et mes jambes, il était debout, il dit, et mes jambes n'ont plus réussi à me supporter, et il est tombé par terre. Et il s'est mis à pleurer, et toute la mosquée s'est mise à pleurer. Ils ont perdu la meilleure créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. Celui qui leur a ramené le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné. Al-Islam, Al-Tawhid, Al-Quran, La ilaha illallah. Ensuite, il fallait un calife. Certains ont dit, on va prendre un calife chez les Ansar, un calife chez les Muhajir. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Abou Bakr a dit non. Les gens de Quraysh doivent gouverner. En temps de fitna, il s'est rappelé des hadiths. Et a dit, nahnu l'umara. Tayyib, nous sommes les dirigeants. Alors, il a dit, donne ta main au Omar. Il a voulu choisir Omar comme calife. Abu Bakr n'aimait pas le pouvoir. Omar a dit, qui est-ce qui pourrait accepter d'être yani devant Abu Bakr? Donne plutôt toi ta main. Il a pris sa main et lui a prêté allégeance. Et tout le monde est venu et s'est succédé. Et Abu Bakr fut donc le premier calife de l'islam. La première chose qu'il a fait après cela, il a dit à Oussama ibn Zayd, qui avait arrêté son armée, était revenu, lorsqu'il a entendu la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit, comme ya Oussama, lève ton armée et fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit. Ittiba'u sunnah. Il a voulu suivre la sunnah immédiatement et mettre en pratique et continuer ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter en citant un dernier mérite d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Après, le fait qu'il est, c'est lui, vous voyez le mushaf, le Coran, c'est lui qui a été à l'initiative de réunir le mushaf dans un seul livre. C'est lui la cause qui a fait qu'on ait réuni le Coran dans un livre. Et le dernier point que je voulais vous citer, c'est que à l'ouverture de la Mecque plutôt, Naam, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, a été guidé à l'islam. Il est venu, ils l'ont emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne âgée, il lui a dit, donc il a mis sa main dans sa main pour lui prêter allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et a dit à Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé pour que moi je me déplace vers Shir, vers la personne âgée? Regardez le adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est la meilleure créature d'Allah azza wa jalla. Regardez comment est-ce qu'il était humble. Alors il a mis sa main dans la main du prophète Rasulullah. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasul. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Abu Bakr a pleuré. Abu Bakr a pleuré. Alors le prophète Rasulullah s'est étonné. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui a dit Wallahi ya Rasulallah, j'aurais aimé qu'à la place de mon propre père, ce soit ton oncle Abu Talib qui se convertit à l'islam pour qu'Allah Azza wa Jal te comble de joie. Allahu Akbar. Hada Abu Bakr al-Siddiq. Yufaddil Islam ahli Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala Islam abihi nafsi. La ilaha illallah. Hadi mahabbatu Abu Bakr li an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هذه نصرة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وكل كل ما قلنا الآن قليل بالنسبة إلى ما يستحق الصديق الأكبر عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي الختام أحمد الله عز وجل وصلي وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Et je remercie par la suite, je n'oublie pas aussi de remercier ceux qui m'ont invité, Abu Suhaib wafaqahullah, et ceux qui m'ont accueilli dans cette mosquée, les responsables de cette mosquée. As'al Allah tabaraka wa ta'ala lana wa lahum at-tawfiq wa as-sadat. Et je demande aussi à Allah Azza wa Jal de parfaire la construction de votre mosquée et d'en faire un endroit où on enseignera le Coran, on enseignera la Sunna, on enseignera la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de l'Islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah Azza wa Jal de vous accorder la bénédiction dans vos personnes, vos biens et vos enfants. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullah. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps.